خلاص إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. أما بعد، donc nous sommes toujours dans le chapitre de la da'wa, la du'a, إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Donc la prêche, l'appel au tawhid. On a vu donc comme les autres adorations, la validité de cette adoration-là qu'est la da'wa. Comme Allah Jalla wa Ala l'ordonne à son messager, salawatullahi wa salam alayhi, ud'u ila sabili rabbika bil hikma al maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, ça c'est amr, c'est un ordre, wal amr yaqtadi al wujub, donc c'est une obligation et donc ça rentre dans ce qu'Allah Jalla wa Ala il aime. Allah il aime que ses serviteurs appellent à sa religion et donc ça rentre dans l'adoration. Et donc on sait que comme toute autre adoration, sa validité repose sur deux choses: l'ikhlas, le fait d'appeler Allah, appeler au tawhid et à la religion dans sa globalité, puisque la prêche ça concerne le tawhid, mais ça concerne aussi les obligations de la religion et même les choses et les mustahabbat, et à délaisser évidemment en premier lieu le shirk, mais à délaisser aussi les choses qui sont haram et à délaisser au final le makruhat. Tout ça, donc tout rentre, l'appel il concerne toute la religion, pas simplement l'asl, même si ici ce qui rentre en premier lieu c'est la da'wa au tawhid. Et donc ça repose aussi sur al-mutaba'a, c'est-à-dire appeler à l'islam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé à l'islam, et que de la même manière qu'il a enseigné à ses compagnons et il a ordonné à ses compagnons d'appeler à l'islam, comme on l'a vu dans le hadith, dans le premier hadith qu'il a cité, donc le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhum, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour les appeler à l'islam et pour leur enseigner l'islam et pour juger entre eux. Et là on est arrivé donc au deuxième hadith, حديث د سهل ابن سعد رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يدي فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي ابن أبي طالب فقله يشتكي عيني فأرسلوا إلي فأوتي بي فبصق في عيني ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع وأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Donc c'est un hadith qui est rapporté par aussi dans les deux sahih, dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Donc concernant le rapporteur du hadith, Sahl ibn Sa'd, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Muhashi, Sheikh ibn Qasim, yaqul, huwa ibn Malik, ibn Khalid ibn Tha'laba al-Khazraji al-Ansari sahabi shahir. وأبوه صحابي أيضا ذكر سهل أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة 88 وقيل 91 وقد جاوز المئة روى عنه ابن عباس وأبو هريرة وابن المسيب يعني سعيد والزهري وغيره. Donc il s'appelait Sahel, Sahelun ibn Sa'd, ibn Malik, fils de Malik, ibn Khalid, ibn Tha'lab al-Khazraji, donc de la tribu, c'était Ansari, de la tribu de al-Khazraj. Et c'est un compagnon bien connu, et son père était un compagnon également. Et lui-même, il a évoqué le fait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, lui, il avait à peine 15 ans. Donc il était jeune, faisait partie des jeunes compagnons. Et il est le dernier des compagnons à être mort à Médine. La 88e année de l'Hégire, ou la 91e, selon une autre version. Et lui, il avait dépassé donc les 100 ans, comme beaucoup d'autres compagnons qui ont vécu très longtemps. Et on rapportait de lui Ibn Abbas, ou Abu Huraira, ou Saïd ibn al-Musayyib, le Tabi'i, ou l'imam al-Zuhri, Tabi'i aussi, ou Ghayrihum. Alors, en Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, a dit Yawm Khaybar, la'u'atiyanna rayata ghadan, rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu, wa yuhibbuhu Allah wa rasulahu. Au fait, sallallahu alayhi wa sallam, donc, lors de la bataille de Khaybar, ou lors d'un des assauts des forteresses de Khaybar, puisqu'on sait que la bataille de Khaybar et le siège de Khaybar, il a duré longtemps, plus d'un mois, et que le Khaybar s'était constitué de plusieurs forteresses. Et on sait que les juifs de Khaybar, ils possédaient leurs biens, leur or, et mais qu'ils étaient très bien armés et qu'ils étaient très bien retranchés, réfugiés dans leur forteresse réputée comme très difficilement prenable. Ça que ça a duré très longtemps et que les musulmans, ils ont été touchés par la faim, la maladie, etc. Comme il va le citer le shir dans l'explication du hadith. Toujours est-il que lors de cet assaut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il allait donner l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment. قال المحشي أي قال يوم حصار خيبر سنة سبع ولا سبعة. وفي الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع قال كان علي ورضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمد وقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يدي فإذا نحن بعلي ومن نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وفي رواية في رواية بريدة إني دافع اللواء ودافع اللواء إلا رجل يحبه الله ورسوله. نعم. Donc comme on l'a dit, c'est Khaybar, ça s'est passé la septième année de l'Hégire. Et Khaybar, c'était, si on veut, le centre de tous les complots des Juifs contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les compagnons. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé d'attaquer Khaybar. Donc, et comme c'est rapporté, dans les deux sahih de Salama ibn al-Aqwa. Il a dit que Ali, il était absent au départ, il était absent de cette ghazwa. Yani, il n'était pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il était souffrant des yeux. Si bien qu'il arrivait quasiment plus à voir, il voyait plus rien. Mais il s'est encouragé lui-même et il s'est dit à lui-même, vais-je être parmi ceux qui ne sont pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui restent en arrière. Et il est quand même sorti dans cet état-là dans lequel il était. Et Ali, il est connu pour faire partie des compagnons très courageux. Et il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque c'était donc la veille, donc au soir, la veille, qu'Allah jalla wa ala donne la victoire aux muslimines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit qu'il allait donner l'étendard à un homme qu'Allah et son messager aiment. Et dans cette version où qu'Allah, qui aime Allah et son messager. Donc dans cette version, on a Aoukal. Donc là, on aurait un doute d'un des rapporteurs. Mais bon, dans la version qu'on a nous, dans le Matin, on voit qu'il a cité les deux choses. C'est-à-dire l'amour d'Allah et de son messager pour cet homme-là et l'amour de cet homme-là pour Allah et son messager. C'est-à-dire qu'Allah, Jalla wa Ala, il va donner la victoire aux croyants, aux musulmans. Et là, il dit, et là, on a vu Ali. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il soit là, puisqu'il savait qu'il était dans cet état-là, et donc personne ne s'attendait à ce qu'il soit présent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'étendard à Ali. Et dans la version de Buraïda, qui est rapportée par l'imam Ahmed dans son Musnad, il dit, je vais donner al-liwa. Al-liwa. Dans les autres hadiths, on a vu al-raya. Al-liwa ou al-raya. Un homme qu'Allah et son messager aiment. Il dit, وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادف الراية واللواء لكن روى الإمام أحمد والإمام الترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ولواؤه أبيض وعن أبي هريرة رضي الله عنه مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله والراية علم الجيش يرجعون إليه عند الكر والفر جمعها الرايات وكذا لواء الجيش علمه وهو دون الراية سمي اللواء لأنه يلوى لكبر فلا ينشر إلا عند الحاجة والغد اليوم التالي ليومك على أثر والمحبة موطأة القلب على ما يرضى الرب. Non. Concernant al-liwa ou al-raya, donc, peut traduire les deux par l'étendard. Est-ce que c'est une seule chose ou est-ce que c'est deux choses différentes? Il y a une grande partie donc des ulémas, des savants de la langue arabe qui disent que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les deux. Raya, c'était al-liwa, al-liwa, c'était al-raya. Mais ici, il ramène un hadith rapporté par l'imam Ahmed. الإمام الترمذي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كي دي كي ديكري كي دي كو ليتاندار او الرايا ليتاندار دي بروفيت صلى الله عليه وسلم il était noir alors que son liwa il était blanc et rapporté par Abu Huraira sur lequel était inscrit donc les deux shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah était inscrit sur le drapeau et il dit ici donc il va expliquer sur cette version-là et donc sur la version où il y aurait une différence entre les deux, donc au-delà de la couleur, Raya, donc c'est l'étendard Et c'est le drapeau de l'armée, l'étendard de l'armée. Et il sert en fait de point de repère et de point de regroupement. De point de regroupement lorsque soit les croyants se sont dispersés. Et pour avoir un point de repère toujours dans la bataille. Pour savoir où sont les musulmans. C'est pour ça que quand l'étendard tombe, le porte-étendard est tué et que l'étendard tombe, en général, c'est la pagaille. Si personne ne le prend tout de suite, c'est la pagaille. Et donc, c'est pour ça que dans les batailles, toujours l'étendard, il est visé. Le porte-étendard, il est visé. Et c'est pour ça qu'ils essayent toujours de le protéger. C'est toujours d'avoir des hommes autour pour protéger l'étendard et toujours avoir un point de repère quant à leur position. Et que si jamais il y a un moment, il y a un éparpillement du fait de la bataille, si l'émir, par exemple, demande à ce qu'on se regroupe, on se regroupe autour de l'étendard. S'il n'y a plus d'étendard, c'est tout le monde est perdu. Personne ne sait où est l'autre. Donc, le mot le pluriel, c'est rayat. Rajoute juste alif ta. Et wakaza Liwa ul Jaish alama. Liwa, c'est pareil. Il dit, sauf que Liwa, c'est plus grand et il est replié. Et on ne le déplie qu'en cas de besoin. C'est la différence qu'ils ont évoquée, hormis la couleur, puisqu'on a dit que Raya, il était noir et que Liwa, il était blanc. Wallahu alam, le jour de la prise de la Mecque, ils ont utilisé alors Liwa, parce que c'est rapporté qu'ils étaient blancs. Le drapeau, il était blanc. Wal-rad al-yawm al-tali li-yawmik. Raden, raden, yani al-rad, c'est le jour qui suit le jour dans lequel on est. Raden, demain, on traduit ça par demain. Raden. Bon, là, il dit wal-mahabbatu mu'ta'atu al-qalbi ala ma yarad al-qalb. وأصلها الميل إلى ما يوافق المحب وفيه فضيلة علي رضي الله عنه وزيادة منقبتي لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك بخصوصي. Bon, il donne une définition de l'amour, mais le plus juste, wallahu alam, c'est de dire que ça, des mots comme l'amour, comme la peur, comme ce genre de choses, c'est pas des mots auxquels on donne. Certains ulémas disent que c'est des mots qu'on comprend de par eux-mêmes. C'est pas des mots auxquels on a besoin de donner une définition. Je sais quoi l'amour donné ta'rif de al-Mahabba Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit que ça c'est des mots qu'on comprend par eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de donner une définition détaillée de ce que c'est l'amour. L'amour c'est l'amour. Rahma c'est rahma. La peur, c'est la peur, l'espoir, c'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est pas des mots qui ont besoin d'être définis. Même si là, il dit, c'est que le fait, c'est que le cœur soit en adéquation avec ce qu'Allah Jalla wa Alaihi l'agrée. Et ça, déjà, ça décrit qui, ça décrit quoi? L'amour du croyant ou l'amour du makhlouq. On sait que l'amour d'Allah Jalla wa Alaihi pour ses messagers ou pour ses créatures, on sait que c'est quelque chose qui est propre à lui. Jalla wa ala laysa kamithlihi shay. Et on peut voir dans ce hadith-là le mérite de Ali, radiyallahu anhu, de manière particulière, dans la mesure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a témoigné donc de ce mérite-là de manière particulière. Il va expliquer après ce que ça veut dire en citant la parole d'Ibn Taymiyyah. قال الشيخ يعني شيخ الإسلام تيمية هذا أصح حديث روي لعلي من الفضائل وليس هذا الوصف مختصا به يعني بعلي ولا بالأئمة فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج وفيه إثبات صفة المحبة خلافا الجهمية. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, il dit ça, c'est le hadith le plus authentique concernant les mérites de Ali. Et il dit, mais ce n'est pas quelque chose qui est propre à Ali lui seul. C'est-à-dire le fait qu'Allah et son messager l'aiment, ce n'est pas quelque chose qui est propre à Ali. Ni aux quatre califes, ou ni aux grands savants de l'islam ou quoi. Allah subhanahu wa ta'ala et son messager aiment tout croyant taqi, qui lui-même aime Allah et son messager. Forcément, l'amour d'Allah et de son messager, ça fait partie de Asl-Din. Mais le fait qu'Allah et son messager aiment quelqu'un, c'est pas réservé aux compagnons, aux plus grands des compagnons, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aime tout croyant taqi. On rappelle que la taqwa, c'est le fait de faire ce qu'Allah Jalla nous a ordonné et de délaisser, de s'écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Et donc à chaque fois que le croyant est plus taqi, Allah Jalla l'aime plus. Ainsi que son messager. Donc ce n'est pas quelque chose qui est propre à Ali, mais ici le mérite c'est que le fait que le professeur sallam il est cité de manière il l'a cité de manière particulière. Ali ibn Abi Talib, pas un autre ici dans ce hadith, bien qu'Allah il aime d'autres compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime Abu Bakr ou Omar plus que Ali. Ça a bil-ijma'. Parce qu'Abu Bakr, il est le meilleur bil-ijma', et le deuxième bil-ijma', c'est Omar. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime plus que Ali. Mais dans ce hadith-là, le prophète sallam, il a cité Ali et ça montre, et c'est pour ça qu'il dit Wa ziyadati manqabati. C'est-à-dire, il a ici une. Il a ce hadith-là, il lui donne une valeur supplémentaire par rapport à d'autres compagnons. El-Shir dit aussi que ça, ce hadith-là, c'est une des meilleures preuves pour réfuter et pour répondre au An-Nawasib. Comme on l'avait vu, An-Nawasib, c'est ceux qui dressent leur adawa, leur haine contre Ali et contre les gens de la maison du Ahl-Bayt, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait les Khawarij. Et donc, ils se sont désavoués de lui, qu'ils l'ont même rendu mécréant, ou qu'ils l'ont excommunié, ou qui même en ont fait quelqu'un qui est fasiq par rapport à donc, bon, la longue histoire qui s'est produite avec les Khawarij. Eux, ils ont prétendu que Ali il est kafir. Comment il est kafir? Allah Jalla wa'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a témoigné qu'Allah et son messager l'aiment. Là, ici, ils ont répondu, oui, mais ça, c'était comme de la même manière que Rawafid. Rawafid, ils disent que on sait qu'ils détestent Abu Bakr ou Omar et les autres compagnons, et même qu'ils les excommunient pour certains. Et comme ils disent, la wala illa bi bara, yani la wala li Ali illa bil bara'a min Abi Bakr wa Omar, comme on l'avait vu dans le Wasitiya. Et quand on leur dit, ouais, mais qu'est-ce que vous faites avec tous les hadiths qui parlent des manaqib, des mérites et des prouesses qu'ont réalisé Abu Bakr wa Omar et les autres, ils disent, ouais, mais ça c'était avant qu'ils sortent de l'islam. Ou c'était avant qu'ils deviennent des fasiqin. Et les ulama, ils répondent en disant comment Allah Jalla wa'ala, il loue et il atteste qu'il aime quelqu'un en sachant très bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, et en sachant très bien que cette personne-là, elle va mourir sur la mécréance, ou qu'elle va sortir de l'islam, ou qu'elle va désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, etc. Donc c'est pareil concernant Ali, ça c'est concernant Ar-Rawafid et Abu Bakr wa Omar. Et Ummahat al-Mu'minin, Aïcha, etc. Et ici, on a le même raisonnement avec Nawasib. Nawasib, ils les ont appelés Nawasib parce qu'ils dressent leur haine et leur inimitié contre les gens de la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ali, sa femme, ses enfants, etc. Et donc, on répond de la même manière en disant qu'il n'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ait témoigné en sa faveur de l'amour d'Allah et de son messager pour lui et qu'ensuite il devienne kafir ou la fasiq. Comme ça qu'ils ont répondu. Tu vois, إثبات صفات المحبة خلافا الجهمية. Et on a dans ce hadith là, comme dans d'autres textes du Coran, le fait que Allah Jalla wa Ala, il s'est décrit lui-même par l'amour. Allah il aime. On avait vu tous les versets, Inna Allaha yuhibbu al-muhsinin, Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin, etc. Et donc dans ce hadith là, on a l'amour réciproque. On a le fait que Allah Jalla wa Ala s'est décrit lui-même par l'amour. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit ses créatures, les croyants, par l'amour aussi qu'ils vouent à leur Seigneur. Chacun, évidemment, possède l'attribut qui convient à son dhat. Comme on sait, les attributs, le dhat d'Allah jalla wa'ala est parfait. Et donc, ses attributs sont des attributs de perfection. Et que les attributs de ses créatures sont des attributs incomplets qui sont touchés par des défauts, des insuffisances, etc. كل أحد بما يليق يليق به وبذاته كما نعرف في الوسطية كما يقولون les attributs suivent le ذات c'est-à-dire à partir du moment où le ذات d'Allah جل وعلا il est parfait n'a aucun défaut aucun manquement ses attributs c'est pareil pour les makhlouqin pour les êtres humains ou pour les autres créatures d'Allah Jalla wa'ala sont touchés par l'insuffisance par le manquement par la faiblesse par l'incapacité etc des choses qui donc laysa kamithli shay wa huwa as-sami' al-basir comme on l'avait vu et donc ça rejoint le verset où, par exemple il dit ya ayyuhalladhina amanu من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. On avait vu ce verset dans l'Ouassitiya. يحبهم ويحبونه. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa'ala, si, il s'adresse aux croyants en leur disant que s'ils apostasient de leur religion, qu'Allah va faire venir un peuple qu'il aime, يحبونهم ويحبونه. Et qu'il aime. Donc on voit que Allah il a décrit, il s'est décrit lui-même par l'amour, et il a décrit les croyants par l'amour aussi envers leur Seigneur. Chacun encore une fois selon comme il convient à lui-même. L'amour d'Allah Jalla wa Ala, c'est pas l'amour de ses créatures. Laysa kamithlihi shay. Et on avait vu dans le Wasitiya comment les gens de la bid'a parmi le Jahmiya ou le Mu'tazila ou l'Ash'ira comment il change le sens des sifat d'Allah Jalla wa'ala, ce qu'on appelle tahrif wa ta'til, et il donne à ces sifat-là le fait qu'Allah Jalla wa'ala, il aime ses créatures, c'est le fait, ils vont traduire ça par la ni'ma ou par d'autres choses. Yani. Yiftahu Allahu ala yaday. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner la victoire à cet homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné l'étendard. Donc, akhbarahum sallallahu alayhi wa sallam ala wajhi l'basharati bi husuli l'fath wa kana qad ishtadda alayhim l'hisar fa wa'alamun min a'lamin nubuwa لإخباره عن قبل وقوعه في وقت مخصوص فوقع طبق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم comme on a dit le siège de Khaybar il a été long et le prophète et ce qu'il faut se mettre dans la tête c'est que c'était une bataille qui était loin d'être gagnée c'est-à-dire dans le prophète Allah Jalla wa'ala il a promis au prophète صلى الله عليه وسلم qu'il allait remporter la bataille de Khaybar donc il le savait mais dans le sens où la situation dans laquelle étaient les musulmans était une situation très difficile. Ils étaient en manque de provisions, il y en a qui sont tombés malades, et ils étaient en état de faiblesse, et le siège il a duré très longtemps. Les juifs ils étaient dans des forteresses presque imprenables, ils avaient toutes leurs provisions, ils étaient armés jusqu'aux dents, si bien que lorsque les musulmans ont réussi à pénétrer, ils ont trouvé des armes, subhanallah, des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Des catapultes, des plein d'armes, subhanallah, que les musulmans ne connaissaient même pas. Et d'ailleurs, ils leur ont pris leurs armes et ils les ont utilisées après dans d'autres batailles, subhanallah. Mais pour dire que les Juifs, ils étaient armés vraiment jusqu'aux dents, c'était vraiment leur fief, quoi. Donc la bataille, ça a été rude. Yani le siège, il a été long, il a été rude. Et donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il annonce aux croyants, aux musulmans, il leur donne la bonne nouvelle de la victoire dans cet état-là, c'est un signe parmi les nombreux signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها بات الناس يعني les gens ils ont passé leur nuit بالنصب الليلة ليلتة ليلتهم ورفع ورفع أي على البناء فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم أيهم يعطاها un peu de grammaire donc ليلتهم يعني يدوكون في ليلتهم le sens est في ليلتهم أي ورفع أي على البناء لإضافتها وحذف الصدر صلتها نعم أيهم هو يعطاها لصوص أيهم هو يعطاها يعني حذف صدر صلتها استاذ حذف المبتدأ ici quoi qu'il en soit التقدير سأيهم هو يعطاها أي سهر تلك الليلة يبحثون ويتفوضون ويتناظرون في من يعطاها قال المصنف يدوكون أي يخوضون يعني في من يدفعها إلي وفيه يقال داك القوم يدوكون إذا وقعوا في اختلاط واضطراب ودوران وخادوا في الحديث تفوضوا فيه وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان فينبغي التنافس في الخير وعلو الهمة في الطلب Donc les compagnons après la nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé, la nouvelle de la victoire, ils ont passé leur nuit puisque c'était la veille au soir de l'attaque. Ils ont passé leur nuit, donc, les uns les autres, à chercher de qui il pouvait bien s'agir, à discuter les uns les autres et à débattre sur de qui il pouvait bien s'agir, c'est-à-dire à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait remettre l'étendard. Donc, yadoukoun bima'na yakhoudoun, ils ont passé leur nuit. Yakhoudoun, c'était le fait de rentrer dans un débat. Le khoud, le fait de rentrer dans une discussion, dans un débat. Et là, le débat est concerné, évidemment, celui à qui allait être donné l'étendard. Et on voit là-dedans quoi? On voit à quel point les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient captivés par cette chose-là. Et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils les... À quoi ils pensaient? Qu'est-ce qui occupait leur esprit? Où était l'importance des choses pour eux? C'était dans la recherche du haq et la recherche de la science et vraiment le grand intérêt qu'ils avaient pour ça et que pour ça. Falamma. Ensuite, il dit, falamma, suite du hadith, falamma asbahu, radaw ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Hirsan alayhi likawnihi mahbuban inda Allah. Wa tuftahu hadhi al-balda ala yaday. Fafihi anna fi'li al-asbab al-mubaha aw al-wajiba. أو المستحب لا ينافي التوكل. وفي رواية لمسلم أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، غربة فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إذا كان هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه فلما تمناه بعد الصحابة؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بالشهادة أو دعا بالدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان يشهد ويدعو لخلق كثير، ولكن تعيينه الشخص من أعظم فضائله. قال المصنف: وفيه فضيلة علي يعني لشهادته له على التعيين. Et donc, le lendemain, les compagnons, donc à l'aube, ils sont tout de suite allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chacun il espérait que il espérait être l'élu. Il espérait être celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait choisi pour tenir l'étendard, et qu'il allait être celui par lequel Allah jalla wa ala il donne la victoire. Et là, il dit وَفِيهِ أَنَّ فِعْلَ الْأَسْبَابِ. Il dit ici, on voit que le fait de faire les causes, qu'elles soient ces causes-là permises, obligatoires, ou qu'elles soient recommandées, ça ne contredit pas le tawakkul. Ici, ce qui vise, wallahu alam, ce qui vise, c'est le combat. Yani, Allah jalla wa ala, il a promis la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de prendre Khaybar, mais pourtant ils se sont préparés et ils ont combattu pour arriver à ce résultat-là, et donc que ça le contredit en absolument. Le fait de faire les causes, comme on l'a vu et comme on le verra encore dans les chapitres suivants, ça ne contredit pas le tawakkul. Il faut faire, comme on a dit, les deux. Dans une riwaya dans Sahih Muslim, Omar, radiyallahu anhu, il a dit je n'ai jamais aimé être commandant, avoir le commandement, à part ce jour-là. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a témoigné pour cet homme-là, pour celui qui allait prendre l'étendard, qu'Allah et son messager l'aiment. Et donc tout le monde voulait être cet homme-là. Et si quelqu'un il pose la question, mais si cet amour-là, dont le prophète sallam a témoigné concernant celui qui allait prendre l'étendard, ça ne concerne pas Ali de manière particulière, et que tout le monde peut être touché de cet amour-là, alors pourquoi tous les autres ils ont voulu l'avoir? La question elle est là. Allahu alam, c'est ça, ça vient de Allahu alam ar-Rawafid qui prétend que Ali radiyallahu anhu il est meilleur que Abu Bakr et que Omar. Parce que on voit que dans la riwaya de Sahih Muslim, Omar, il dit qu'il a voulu le commandement ce jour-là, mais que c'est Ali qui l'a eu. Et que Allah Jalla wa'ala, il aime celui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné l'étendard. Et donc Ali, il est mieux que Omar. Et c'est de la lettre de le Rawafid al-Shia. Et donc comment on répond à ça? Comment on va dire que, mais ça c'est pas une, l'amour d'Allah pour cet homme-là, il n'est pas réservé qu'à Ali. Alors, si c'est le cas, pourquoi tous les autres, tout le monde y voulait être cet homme-là? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il répond en disant que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il témoigne de quelque chose pour quelqu'un en particulier, ou qu'il invoque Allah jalla wa ala pour lui, il dit alors, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à la place de cet homme-là. Qui aimerait être cet homme-là et qui aimerait donc jouir de la même shahada ou de la même dua. Même si cette dua-là et que cette shahada-là, le prophète sallam, il l'a fait pour d'autres, pour plein d'autres. Mais le fait que le prophète sallam, il désigne une personne en particulier, il cite son nom, c'est un grand mérite et c'est un mérite supplémentaire. Mais ça ne veut pas dire que Ali, il était mieux que Abu Bakr, Omar. C'est-à-dire le fait qu'il ait fait cette attestation, ce témoignage concernant Ali de manière bien particulière, ça montre le mérite de Ali, radiallahu anh. Mais ça ne montre pas sa supériorité sur Abu Bakr et Omar. Puisque Bil-Ijma, comme on l'a vu dans le Wasitiya, Bil-Ijma, le meilleur c'est Abu Bakr et ensuite Omar. Celui qui contredit ça, il est Mubtadi'. Bid'a. فقال أين علي ابن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتي فاطمة الزهراء الخليفة الرابع من أسبق السابقين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهور لهم بالجنة ومناقبه مشهورة قتله ابن ملجم في رمضان سنة 40 وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم وسؤاله عن في مجامع الخير دوك علي رضي الله عنه سلفيز دو أبو طالب qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est son cousin. C'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était aussi le mari, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il l'a marié avec Fatima, sa fille. Et il était le quatrième calife, et il fait partie vraiment des tout premiers croyants. Et il a participé à toutes les grandes batailles, donc à Badr, au Bayat Ridwan, donc le serment sous l'arbre, et il fait partie des 10 au sujet desquels le professeur Salem il a témoigné du paradis, et ses mérites sont très nombreux. Donc les mérites et les qualités d'Ali sont très très nombreuses. Et c'est Ibn Muljam qui a assassiné Ali lors du Ramadan, la 40e année de l'Hégire. Et on voit là-dedans, dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on tire du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'imam, donc celui qui dirige, ici, même si il dirige l'armée, mais d'une manière globale, l'imam, il doit se tenir où il doit prendre soin des gens qui sont sous son commandement. Et il doit donc il doit se renseigner sur leur état, sur dans quel état ils sont, sur qu'est-ce qui leur manque, sur etc. فَقِيلَ هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. Donc il y a quelqu'un qui a dit il se plaint de ses deux yeux. Il était atteint dans les deux ses deux yeux, il voyait plus rien. Ay min ar-ramad. Ramad, c'est le genre de conjonctivite ou quelque chose qui est vraiment qui atteint les yeux, qui irrite les yeux, si bien qu'on ne voit quasiment plus rien. Kama taqwa fi sahih Muslim fa utiya bi ar-ramad wa fi an Salama farsalani ilayya علي فأرسلني إلي علي فأرسلني قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلني فعل أمر فأرسلني إلي علي فجئت بي أقوده أرمد فبصق في عيني فبريا donc dans une rivaya dans Sahih Muslim, il a été envoyé. On l'a ramené à Ali. Et il était Ahmed, c'est-à-dire il était atteint donc de ce problème. Et dans la version de Salamat ibn al-Aqwa', il dit que le professeur sallam, il a dit ramène-moi Ali. Ramène-moi Ali, et il est venu en l'a. Donc, dans la version de Salamat ibn al-Aqwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Farasilni ilayya Ali. Donc, ramène-moi Ali. Et Salama radiallahu anhu, il dit qu'il est venu en accompagnant Ali. Aqudu, c'est-à-dire qu'il. Comme s'il le guide, quoi. Il voit rien, il le tient et il le fait avancer. Ali. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a basaka tafala, yani comme craché, pas vraiment craché, mais il a soufflé avec de la salive dans ses yeux. Et le Ali, comme ça vient après dans le hadith, Ali, il a guéri instantanément, comme s'il avait rien. Donc ça, parmi dans la bataille du Khaybar, il y a eu beaucoup aussi de, comme dans toutes les grandes batailles, où il y a eu beaucoup de difficultés, où ça a vraiment été dur. Toujours Allah subhanahu wa ta'ala, il a maintenu les croyants en leur donnant des signes, des miracles, pour déjà les aider, pour les raffermir. Comme ça s'est passé dans la bataille de Khandaq et d'autres. Non. Fa arsalu ilay, ou la ursilu ilay. من يأتيه به أرسل إلي من يأتي به قال الشارح في نسخة بخط المصنف فأرسل إلي مبني للفعل يعني فأرسل إلي ويحتمل أنه لما لم يسمى فعل يعني فأرسل إلي. Bon, il y a une différence dans les riwayas. Fa'arsilu ilay. Naam. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit arsilu ilay. Envoyez quelqu'un à Ali. Ou alors, ça a été dans un autre manuscrit, donc du livre du Shir. Où c'est Fa'arsala ilay, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé quelqu'un à Ali pour venir le rechercher, ou Ursila ilay, mabni lil majhoul. Il a été envoyé à lui quelqu'un, etc. Bon, le muhim, c'est qu'il a fait venir à Ali. Il a fait venir à Ali, même dans l'état dans lequel il était. Fabasaqa fi aynay, bifath as-sad. بصاقة أي بزقة بزقة بصاقة بزقة بزقة ويقال بزقة ثم تفل ثم نفث ثم نفخ بزقة ثم تفل ثم نفث ثم نفخ. Ça, c'est les différents stades donc du fait de souffler et de sortir quelque chose. بزقة c'est cracher, تفل يعني. Bazaka, c'est carrément craché, on sort de la salive. Nafatha aussi, mais il y a moins. Et nafakha, c'est souffler. C'est-à-dire que c'est différents degrés du fait de souffler qu'il y ait de la salive qui sort. Ce n'est pas exactement le même sens, tous ces mots-là. Donc ici, c'est-à-dire il a de sorte à ce qu'il y ait de la salive bénite du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aille dans ses yeux. Qui a servi de remède pour guérir bi-idhnillah, la maladie d'Ali, radiyallahu anhu. Wada'alahu fabari. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le sabab, il a fait ce sabab-là, et il a invoqué Allah azza wa jal, et Ali, radiyallahu anhu, il a guéri. Bi-fath ar-ra wal-hamza. أي عوفي في الحال عافية كاملة. إلى يدي بفتح الراء. دونك سي فبرئ وبرأ برئ برأ. كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا له فاستجيب له. Et donc il a guéri, il n'avait plus aucune douleur ou faiblesse de la vue. Et ça, c'est par la da'wa, l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ça vient dans le hadith, il a invoqué Allah jalla wa ala pour lui, et il lui a été, Allah il a exaucé l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa a'tahu raya. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné donc l'étendard. Et avant ça, il cite une autre parole, l'imam al-Tabarani. Donc, l'it-Tabarani, an Ali, radiallahu an, il dit, فَمَرَمَتُ وَلَا سُدِّعَتُ مُنْذُ دَفَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَيَّ الرَّايَ وَفِيهِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَمِ النُّبُوَّةِ. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, à propos d'Ali, Ali dit, je n'ai plus jamais souffert donc de conjonctivite, ni de maux de tête, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a soufflé donc dans mes yeux le jour de donc où il lui a donné l'étendard. Et donc ceci, encore une fois, ça c'est un autre signe parmi les signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa a'tahu al-raya قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها ممن سعى. Donc il lui a remis l'étendard et le Cheikh Mohammed rahmatullah alayhi, il dit dans le Masail, donc le Kitab al-Tawhid, il dit que là-dedans il y a la croyance dans le qadr. C'est-à-dire que lorsque Allah Jalla wa Ala, il a décidé, il a écrit, il a su, il a écrit, et il a voulu que ce soit Ali qui ait l'étendard, bien qu'il n'ait pas fait le sebeb pour l'avoir, comme les autres. Yani. Et alors que ceux qui ont fait le sebeb pour essayer de l'avoir, ils ne l'ont pas eu. Donc ça arrive des fois, on fait tous les sebeb pour obtenir quelque chose, on ne l'a pas. Quelqu'un, il vient, lui, il n'a rien fait, il n'a fait aucune cause. Et c'est lui au final qui l'a. Donc comme dans le hadith qu'on avait aussi vu, وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. Donc ça c'est حقيقة القدر. القدر الله جل وعلا c'est lui qui décide de tout. Et on avait lu en détail le sujet de le Qadr. Donc le shir, il tire ça de ce que ça unfuz unfuz ala rislika hatta tanzila bisahatihim bidam alfa. يعني أنفذ أنفذ نفذ ينفذ أنفذ بضم الفاء وكسر الراء على رسلك وسكون السين أنفذ على رسلك أي امضي برفق وتؤدى ولين c'est-à-dire avance. Donc, on fouze à la rislik, c'est-à-dire avance vers eux, vers l'ennemi, mais en étant calme, avec calme, yani. Pas en se précipitant et en étant. Donc là, on voit l'edeb dans la da'wa. Yani. On voit, comme on l'a dit, l'edeb dans la da'wa. On se rappelle, on avait cité un peu la règle qu'Ibn Taymiyyah il énonce en disant. Al-ilm qablahu, wa rifq athna'ahu, wa sabr ba'dahu. C'est-à-dire la science avant, la douceur pendant et la patience après. Là, c'est ce qu'on voit ici. Unfudh ala rislik, c'est-à-dire avance vers eux avec calmement. Pas avec du bruit, avec précipitation, etc. Mutamahilan ala rislik min ghayr ajala wala taish hatta tanzila bisahatihim wa sahat al-qawm وصوحهم ما قرب من حصونهم وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة وأمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاد عزيمة. Donc, comme on l'a dit, ça concerne l'adab dans la da'wa. Et comme on l'a dit, la da'wa, à partir du moment où c'est une ibada, on doit la faire de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a faite, et de la même manière par laquelle il a enseigné à ses compagnons. Donc c'est le fait d'avancer avec calme, sans faire de bruit inutile. Mais ça indique pas une faiblesse, yani. Le fait d'avancer avec calme, posément, sans s'agiter, ça indique pas une faiblesse. Et ça indique pas le fait de diminuer ou d'affaiblir la volonté de faire ce pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés, c'est-à-dire pour les attaquer, pour les combattre. Mais c'est un adab dans la da'wa et dans le combat. ثم دعوهم إلى الإسلام. نعرف أسكنا شاهد الحديث يوسويت أبلي الإسلام. ثم دعوهم إلى الإسلام. أي والإيمان. فإن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان. كما أنه إذا أفرد الإيمان دخل في الإسلام بلا نزاع. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك من أهل الشرك. وأصل الإسلام هو التوحيد وهو معنى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن شئت قلت هو الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وما اقتدته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سوى فإن من عبد معه غيره لم يكن مسلما وطاعت لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وهذا هو الشاهد للترجمة. Donc ثم دعوهم إلى الإسلام, c'est-à-dire après cette approche, oui pardon, j'ai oublié de traduire الصحة وصحتهم صحتهم الصحة الصحة فحتى تنزل بصحتهم, c'est-à-dire الصحة c'est la proximité de l'endroit de ici sahatihim, c'est-à-dire la proximité de leur endroit, de l'endroit des forteresses, lorsque jusqu'à arriver à proximité de leur forteresse. ثم دعوهم إلى الإسلام, et ensuite appelé à l'islam. Ici il dit al-islam wal-iman. Pourquoi? Parce que comme il le dit ici, on connaît cette règle, on en a déjà parlé, ce qu'on appelle dilalat al-infirad wal-iqtiran. C'est-à-dire lorsque dans les textes on trouve, que ce soit dans le Coran ou la Sunna, on trouve l'islam seul, ce terme-là, ou l'iman seul, ça englobe la religion tout entière. Comme Allah Jalla wa Ala dit, inna dina inda Allahi al-islam. Ou comme on avait aussi vu le hadith de Wafd Abd al-Qais, lorsque l'expédition de Abd al-Qais, lorsque la délégation de Abd al-Qais, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé des questions, il leur a dit Atadruna mal iman, est-ce que vous savez ce qu'est l'iman? Et il leur a expliqué en citant les piliers de l'islam. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة. Donc il a expliqué l'iman avec les piliers de l'islam. Ça montre que quand l'islam ou l'iman sont évoqués seul dans un texte, ça englobe toute la religion. Mais lorsqu'ils viennent les deux dans le même texte ou avec l'ihsan, chacun a son sens, comme dans le hadith de Jibril, alayhi salam, donc l'islam ou l'iman ou l'ihsan. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dilalat, l'infirad ou l'iqtiran. Comme dans d'autres mots dont on avait déjà parlé, comme al-faqir ou al-miskin, ou al-bir ou al-taqwa, ou al-rab, aussi al-rab ou al-ilah. Lorsque Rab s'est évoqué seul dans An-Nusus, le Coran ou la Sunna, ça englobe le sens de l'ilah. Et lorsque l'ilah s'est évoqué seul, ça comprend aussi le sens de Rab. Ça, c'est dans la législation, pas dans la langue arabe. C'est ce qu'on appelle dilalat al-iqtiran ou al-infirad. Ici, c'est le cas, appelé à l'islam. C'est pas le sens, c'est pas appeler à faire la prière et à donner la zakat. S'il croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, au jour dernier, au qadar, on sait que c'est pas valide. Il faut les deux choses. Donc c'est pour ça qu'il dit, yani al-islam ay ou al-iman. Il y a la foi, c'est-à-dire à la fois en Allah Jalla wa Ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier. Et au qadar, qu'il soit bon ou mauvais. Non. Et ici, il donne définition d'islam. Donc, c'est la définition de l'islam que le shir donne dans Al-Usul Al-Thalatha. Ou l'islam, ou l'istislam, ou l'illahi bit-tawhid. Et l'islam, c'est la soumission à Allah Jalla wa Ala par le tawhid. Donc par l'adoration d'Allah Jalla wa Ala seul et par le désaveu du shirk. Et donc le fait de se soumettre à lui en lui obéissant. Donc en obéissant à ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le désaveu du shirk, le rejet du shirk et le désaveu des gens du shirk. Et la base de l'islam, wa aslu l'islam, huwa at-tawhid, wa huwa ma'ana shahadat an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah. Et donc la base de l'islam, c'est le tawhid et c'est le sens des deux shahada, comme on verra, comme on sait, comme on l'a déjà appris, mais comme ça va être expliqué de manière détaillée dans le prochain chapitre. Inch'Allah. Et si on veut, en l'exprimant d'une autre manière, on peut dire que c'est le sens de la shahada de la ilaha illallah et que de Muhammad Rasulullah. Et de ce qu'implique, ou plutôt de ce que comprend le sens de ces deux shahada, c'est-à-dire le fait de vouer le culte exclusivement à Allah Jalla wa Ala, sans aucun associé. Si bien que ça, c'est le sens de cette shahada, si bien que celui qui adore un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas musulman, de la même manière que celui qui s'enorgueillit à ne pas adorer Allah Jalla wa Ala. Quelqu'un qui ne veut pas s'humilier, qui ne veut pas se rabaisser, qui ne veut pas adorer Allah, il est kafir, comme le mushrik, il est même pire que le mushrik. Et donc, le sens de la deuxième shahada, l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'à partir du moment où on dit al-inqiyad lillahi ta'ala bitta'a, le fait de se soumettre à Allah jalla wa ala par l'obéissance, mais l'obéissance à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque c'est lui qui nous a apporté sha'air, les rites de l'islam et les ordonnances de l'islam. Donc, le fait, c'est pour ça que l'obéissance elle est liée en même temps aux deux shahada. À la première shahada de la ilaha illallah, puisqu'on sait que l'inqiyad, le fait de se soumettre, d'obéir à Allah azawajal, d'accepter la sharia et de s'y soumettre de manière complètement, ça fait partie des conditions de la ilaha illallah, mais ça rentre aussi dans Muhammad Rasulullah, puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé avec les ordonnances d'Allah jalla wa ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَوَ رَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ يعني حتى يحكموا من النبي صلى الله عليه وسلم. تحكيم النبي تحكيم النبي ça rentre dans les deux shahada. La shahada de la ilaha illallah et shahada de Muhammad Rasulullah. Non. Et dit ceci, c'est shahid, c'est-à-dire c'est la partie du hadith qui concerne le chapitre. Et non, donc ici, le Nabi sallam, il leur dit Wad'uhum ila l'islam. Wallahu alam, ce qui est voulu ici par l'islam, c'est ce qui a été voulu par dans le premier hadith, il est shahadati an la ilaha illallah, ou dans une autre riwaya, il est an yuwahidullah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé le tawhid islam. Et ça, on le retrouve dans le Coran. Lorsque, au début de surat Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, إن الدين عند الله الإسلام وصلى الله عليه شهد الله أنه لا إله إلا هو نكسيت لا شهادة par ces mots شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. ابن القيم رحمه الله يقول que ça c'est une suite du verset qui avant. C'est-à-dire que le sens de la shahada, la ilaha illallah, c'est ça l'islam. Donc, wad'uhu ila l'islam, yani ila shahadati an la ilaha illallah. Comme dans le premier hadith. Ou ila an yuwahidullah, ila tawhidillah. Et on a aussi ça dans le hadith Mu'adh ibn Jabal, rapporté par Abu Dawud ou l'imam al-Tirmidhi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Mu'adh en lui disant: يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر ولي الإسلام ورأس ولدي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. C'est-à-dire que la chose principale de la religion c'est l'islam. Et ce qui est voulu par l'islam ici c'est quoi? C'est le tawhid. Parce qu'après il dit وعموده الصلاة. Et son pilier, c'est la salat, la prière. وَذِرْوَةُ سَلَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et son sommet, le combat dans le sentier d'Allah. Jihad fi sabilillah. C'est pour ça après qu'il va dire... وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ. On va voir ce qu'il dit après. Concernant le sens de ça, mais ce qui est visé ici après, c'est quoi? C'est les autres piliers, les autres ordonnances, les autres piliers de l'islam, comme ça vient dans le premier hadith. فَإِنْهُمَ طَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. S'ils acceptent l'islam, la shahada, le tawhid, informe-les qu'Allah leur a imposé la salat. Là, c'est pareil. Une fois que tu les appelles à l'islam, c'est-à-dire au tawhid, et ensuite fa'akhbirhum bima wajaba alayhim min haqqi Allah ta'ala fih, c'est-à-dire la salat, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le hajj, etc. Donc qu'est-ce qu'il dit ici après? Wa hakadha yanbaghi li ahli l'islam an yakuna qasduhum بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. يعني ça c'est مهم. Ce qui est voulu dans le jihad, c'est que le jihad ça rentre dans, c'est-à-dire le jihad بالسيف par l'épée, ça rentre dans, c'est une forme de da'wa. Le but c'est ce qui les rentre et que les gens y rentrent en islam. Comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu l'a dit, s'est adressé à ses ennemis en disant: je ne vous envoie pas mes hommes pour vous prendre vos biens, vos femmes et pour vous tuer, mais pour que vous rentriez en islam. C'est ça le but de la da'wa. Le jihad, c'est une forme de la da'wa. La da'wa, elle se fait par le dalil, par le kitab. Elle se fait aussi par le hadid, par le fer. Selon, encore une fois, la situation de la personne qu'on appelle à l'islam. Mais le jihad, il a été légiféré pour que les gens y rentrent en islam, qu'ils adorent Allah Jalla wa Ala seul et qu'ils délaissent leur faux dîn. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك فيندب إعادة الدعوة ليعلم المشركون أن قصد المسلمين لهم من بالدعوة والقتال هو دخولهم في الإسلام ليس المراد التشفي منهم وأخذ أموالهم لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غار فالدعوة دعوتان واجبت وهي دعوة التبليغ ومندوبة وهي تبليغهم قبل القتال كما فعل علي رضي الله عنه. Et donc, comme ceci il convient, de cette manière-là, il convient aux prêcheurs ou aux musulmans de se comporter, c'est-à-dire dans le jihad, que le but, c'est quoi? C'est d'appeler, c'est que les gens rentrent en islam. Et y a, dans ce hadith-là, il y a le fait que appeler les gens avant de les combattre, c'est quelque chose qui est légiféré. Même s'ils ont déjà été appelés avant ceci. C'est-à-dire qu'on sait quoi? On sait que l'islam, comme on l'a vu précédemment, comme on le sait, et comme on en est convaincu que l'islam ne peut se réaliser chez une personne sans le fait de mettre en œuvre, sans le fait de connaître le sens de cette shahada, la ilaha illallah, et de le mettre en pratique. L'adoration d'Allah Jalla wa Asal et le désaveu du shirk, s'écarter du shirk. Quelqu'un qui ne fait pas ça, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman comme on l'a vu. Quelqu'un qui commet le shirk ou quelqu'un qui s'enorgueillit, ce qu'on appelle le kibr, ces deux choses-là vont annuler directement la shahada. Cependant, l'azab ou le qital fi dunya ou l'azab fi l'akhira, le combat, le fait de combattre ces gens-là dans la dunya et le fait qu'Allah Jalla wa Ala les punisse et les châtie dans l'akhira, ça c'est lié à Bulugh al-Hujja. Ça c'est lié à l'envoi des messagers et à la révélation des livres. Comme Allah Ta'ala wa taqaddas dit, « Ma kunna mu'adhibin hatta naba'atha rasulan » et nous ne châtions personne avant d'envoyer un messager. Ça ne veut pas dire que celui qui commet du shirk avant de recevoir la preuve, il est musulman, comme certains y prétendent aujourd'hui. Celui qui fait du shirk, il est mushrik. Il n'est pas musulman. Mais le combat dans la dunya et le châtiment dans l'akhira, c'est lié à la preuve. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas combattre quelqu'un avant de l'avoir appelé à l'islam. Par contre, si l'islam lui est parvenu, il a eu la da'wah, il a eu le Coran, où il était capable d'avoir le Coran, d'avoir le message d'Allah et de son messager, il est recommandé de le rappeler à l'islam avant de l'attaquer, de le combattre. Mais ce n'est pas obligatoire. Comme il l'a dit dans ce paragraphe-là, ce n'est pas obligatoire, et ça on le sait comment? On le sait parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attaqué Bani Mustalib. Bani Mustalib, c'était une tribu qui avait reçu déjà la da'wah à l'islam et qui a refusé de rentrer en islam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a attaqués de nuit et sans les prévenir. C'est le sens de agharu. Wahum gharun, le sens de wahum gharun, ils étaient, comment dire, rafilin, c'est-à-dire ils ne s'attendaient pas à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il les attaque. Donc ça s'est passé comme ça. Donc ça montre quoi? Si on rassemble les deux choses, ça montre en même temps que le fait de faire la da'wah avant d'attaquer, c'est une obligation si la personne n'a pas eu la da'wah, mais ça montre aussi qu'il est mustahab, il est recommandé de faire l'appel, de rappeler aux gens avant de les attaquer, comme c'est le cas dans le hadith de Ali, puisqu'il n'y a aucun doute que les juifs, ils avaient eu, avant Khaybar, ils avaient eu la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Parce que les juifs de Khaybar, c'est les juifs qui ont été chassés en partie, Allahu alam, si mes souvenirs sont bons, Benoun Nadir, qui a été chassé de Médine quand ils ont fait des problèmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a exclus. Et ils se sont réfugiés à Khaybar. Donc ils avaient eu la da'wa bien avant. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé à Ali de les rappeler à l'islam. Donc ça montre quoi? Ça montre que c'est recommandé, mais c'est pas obligatoire, avec en se basant sur l'histoire de Bani Mustalik et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a attaqués par surprise. Donc il y a deux da'wa, comme il dit, ce qu'on appelle la da'wa tout tablir, qui elle est obligatoire. On ne peut pas combattre quelqu'un si, par exemple, on prend l'exemple d'une contrée, d'une ville qui n'a pas reçu le message de l'islam, même si aujourd'hui c'est difficile à imaginer. Mais on ne peut pas les attaquer sans les avoir appelés à l'islam, sans qu'ils aient reçu le message. Ça rentre dans la généralité du verset « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ». C'est-à-dire que certains ulama, ils disent que ça, ce verset, il fait de l'umum. Il est général, que ce soit dans le dunya et dans l'akhira. Allah Jalla wa'ala ne punit personne dans l'akhira s'il n'a pas reçu la da'wa. Ça ne signifie pas forcément qu'il est musulman. Mais dans la dunya, c'est pareil. Combat pas sans avoir appelé, sans que la preuve soit parvenue aux gens. Et encore une fois, ça fait pas d'eux des musulmans. Parce que même pour les ulama qui voient que les gens de ce qu'on appelle Ahlul Fitra, ça existe, à l'unanimité des ulama, Ahlul Fitra, s'ils commettent du shirk, ils sont mouchriquins, qu'ils aient reçu la preuve ou non. Et ça, il dit, le hikmah là-dedans, c'est quoi? C'est le fait de bien rappeler à l'ennemi que ce qu'on veut par le fait de le combattre, c'est quoi? C'est qu'il rentre en islam. C'est pas de lui prendre ses biens, sa terre, ou c'est pas ça le but. La preuve en est, c'est que si l'ennemi, il rentre en islam, il se soumet, et évidemment, ses biens deviennent haram. Et en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons après, lorsqu'ils ouvraient une ville ou une terre ou quoi, souvent, si la tribu rentrait en islam, c'est le chef de la tribu qui restait émir de cet endroit-là, qui commandait cet endroit-là. Parce qu'il connaît l'endroit, il connaît les gens, etc. Donc ça prouve bien que dans la volonté dans le combat, c'est ni le pouvoir ou l'argent ou prendre les biens ou quoi. Mais c'est que les gens, ils rentrent en islam. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في أي في الإسلام إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لابد له من فعلها كالصلاة والزكاة وغيرهما من شرائع الإسلام بقوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فإن امتنعوا عن شيء من حقها فالقتال باق فالنطق بالشهادتين سبب العصمة لأنه نفسه العصمة أو هو العصمة لكن بشرط العمل فإن لله حقوقا في الإسلام من لم يأتي بها لم يكون مسلما وفيه أيضا بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وقال عمر والله ما أرسل عمالي إليكم ليدربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسل إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. Donc Inch'Allah, on va essayer de terminer Inch'Allah le chapitre puisqu'il ne reste pas trop long. وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي C'est-à-dire, et informe-les des droits d'Allah Jalla wa'ala. c'est-à-dire des droits islamiques, les droits le droit d'Allah Jalla wa Ala dans cette religion. C'est-à-dire dans l'islam. Si ils acceptent l'islam, alors informe-les des droits d'Allah Jalla wa Ala sur eux. C'est-à-dire des choses dont qu'ils ont l'obligation de faire dans cette religion-là. Donc, encore une fois, on voit bien la différence entre l'asl et l'huquq, comme dans le premier hadith de Mu'adh, où s'ils acceptent l'islam, donc s'ils acceptent le tawhid, alors informe-les de la salat, de la zakat, etc. Là, c'est pareil. Si ils acceptent l'islam, alors informe-les des huquq de la ilaha illallah, des droits de la ilaha illallah, qui sont la salat, la zakat, etc. C'est vrai qu'ici, des exemples ici, comme la salat, la zakat et d'autres parmi les rites de l'islam. Comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il la prononce, c'est-à-dire les deux shahada, s'il la prononce, c'est-à-dire les deux shahada, alors ils ont protégé de moi leur sang et leur bien. Illa bi haqqiha. À part excepté les droits de la ilaha illallah. C'est-à-dire que celui qui ne respecte pas les droits de la ilaha illallah, ça peut entraîner la mécréance ou ça peut entraîner le fait d'être combattu. Comme on l'a dit la dernière fois, si on a une ville ou une tribu qui décide de délaisser un rite parmi les rites apparents de l'islam, comme, bon, la salade, c'est spécial, puisque la salade, comme on l'a dit, la ville plus juste, wallahu alam, à l'unanimité des compagnons, c'est que celui qui délaisse la salade, il est kafir. Donc, si on a un groupe qui délaisse la salade, ils sont murtaddoun et ils sont combattus comme étant des murtaddin. C'est autre chose. Mais, si, et donc, à ce moment-là, leur sang, il est halal. Leur sang, il est halal et leurs biens deviennent halal. Ça, c'est la différence avec El Bourra. Si on a quelqu'un, par exemple, on a une tribu ou on a une ville où ils délaissent l'adhan, font plus l'adhan, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sortent de l'islam, mais ils sont combattus, ce qu'on appelle Qital El Bourra, ils sont combattus jusqu'à qu'ils reviennent et qu'ils fassent ce rite-là de l'islam, qu'ils recommencent à faire l'adhan. Il y a une différence entre Qital al-Murtaddin et Qital al-Bugha. Qital al-Murtaddin, et c'est le Murtad, c'est que son sang et ses biens sont licites, contrairement au al-Bari, à celui comme ça qui va désobéir dans une chose. Le combat, il est licite pour qu'il revienne, donc s'il est tué, son sang, il n'était pas haram, mais concernant ses biens, c'est autre chose. C'est pour ça tous les dalils, tous les textes, où on comprend que le sang de la personne, que les biens de la personne, pardon, deviennent halal, ça montre que ce qui est voulu, c'est le kofr. Comme dans le hadith qu'on va voir au chapitre suivant, le hadith où le Nabi sallam il a dit: Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah faqad harama maluhu wa damu. Maluhu wa damu. C'est-à-dire ses biens et son sang deviennent illicites, deviennent haram lorsqu'il a prononcé la shahada, mais qu'il a aussi fait quoi? Kafara bima yu'bad min dunillah. Donc cette condition qui est accompagnée qui accompagne, qui conditionne la parole de la ilaha illallah. Donc ici, pour revenir là, il dit donc le fait de prononcer les deux shahada, c'est ça, ça constitue, on va dire, la base de l'isma. C'est-à-dire que la personne, elle devient protégée, mais elle n'est protégée de manière totale qu'en accomplissant les actes. Car parmi les droits de l'islam, donc les droits de la ilaha illallah, il y a le fait de faire certains actes, comme on l'a dit avant, comme la salat. Pour l'unanimité, à l'unanimité des compagnons, celui qui délaisse la salat, qui ne fait pas la salat, il n'y a plus d'isma. Son sang, il devient halal. Sur la zakat, il y a un khilaf. La majorité des ulama, ils disent que celui qui veut pas payer la zakat, par exemple, un individu qui veut pas payer la zakat, on va lui prendre de force, etc. Mais ça constitue donc les droits de la ilaha illallah. Et que celui qui a prononcé les deux shahada et dont on atteste son islam, derrière, il doit se conformer aux actes. Et s'il ne fait pas les actes, si ça concerne la salat, il est murtad. Donc par exemple, quelqu'un dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, t'es musulman. J'ai derrière dit, moi, je veux pas prier. Il veut pas prier, t'es murtad. Il est tué comme étant murtad. Concernant la zakat, encore une fois, il y a un khilaf chez les ulama. On voit aussi que l'imam, il convient à l'imam d'envoyer les prêcheurs dans différentes contrées, dans les différents pays où les gens ne sont pas sur l'islam et il faut les appeler à l'islam. Là, ici, il cite la parole de Omar que j'ai citée par son sens avant. Il dit par Allah, je n'envoie pas donc mes hommes vers vous pour vous tuer ou pour vous prendre vos biens, mais je les envoie pour vous enseigner, pour vous apprendre votre religion et vos rites. Donc c'est ça le but de la da'wa, c'est que les gens rentrent en islam. Encore une fois, c'est pas de leur prendre leurs biens et leur terre. Taïb. Ensuite, il dit, fa wallahi, pour finir, fa wallahi, donc là on voit la récompense du da'i ilallah. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم دي أن وما دخلت علي في تأويل مصدر في محل رفع على الابتداء يعني والله لأن يهدي الله بك يعني هدى الله بك لأن يهدي الله بك يعني هدى الله بك هدى الله بك لهم وهدى الله بك رجلا واحدا نو غومبلاس لو ان كون ابل ان مصدريه يهدي فعل مضارع سا اون دي في التاويل مصدر سكي لا اكسبليك في تو ان بو دو غرامير سا في دي بيان هدى الله. Donc, Houda, il est fi mahal raf, mubtada. C'est que le mubtada, il est marfou, à la base. Ici, on dit ta'wil masdar, donc fi mahal raf, mubtada. Ou le khabar, khayr. Le khabar, quand on a un mubtada, on sait qu'on a un khabar. Donc, le khabar, khayr. Na'am. Wa humr bi dam al-ha al-muhmala wa sukun al-mim. حمر حمر سكون شغل الميم حمر النعم والنعم بفتح النون والعين نعم نعم إذ أي إياد هداية رجل على يديك خير لك من الإبل الحمر وإنما عبر بها لأنها أنفس أموال العرب ذاك وكانوا يضربون بها المثل والمراد خير من الدنيا وما عليها والمراد خير من الدنيا وما عليها وتشبيه أمور الآخرة بالأمور الدنيا للتقرب إلى الأفهام إلى الأفهام ولا إلى الإفهام. Donc ici, le sens c'est que qu'Allah Jalla wa Ala il guide par toi, c'est-à-dire par ton sabab, par ta da'wa. Encore une fois, la da'wa c'est un sabab, ce qu'on appelle Hidayat ad-dilala. On sait que ce soit les messagers ou que ce soit les gens qui ont suivi leur voie, encore une fois, ce qu'ils font, c'est Hidayat ad-dilala. On montre la voie aux gens. Ensuite, Hidayat ad-tawfiq, le fait qu'Allah guide une personne ou pas, ça c'est quelque chose qui appartient à Allah Jalla wa'ala. Allah s'appelle Al-Hadi. Il a comme sifat Al-Huda. Il s'appelle Al-Hadi. C'est lui qui guide les gens, c'est lui qui conforme le cœur d'une personne et qui crée Al-Iman dans son cœur. Donc là, on le voit bien lorsqu'il dit l'an yahdi Allahu bika, bika le ba ici, ba sababiya, bika, par ton sabab, yani, par ta da'wa. Un seul homme, il dit c'est mieux que, yani, que les chameaux rouges. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé ça, les chameaux rouges, Parce qu'à cette époque-là, donc, c'était les biens les plus précieux des Arabes, c'était les chameaux rouges, des chameaux qui avaient une grande valeur. Et dès qu'on parlait, je sais pas, nous on parle de Mercedes et de BM, eux ils parlaient de chameaux rouges. Donc quand on parle d'une chose qui avait une grande valeur à leur époque, c'est ça qui était cité. Et le sens, c'est que le fait de guider une seule personne, encore une fois, d'être le sebeb de sa guidée, c'est mieux que de tous les biens de cette dunya. Là, on va finir avec ça. C'est-à-dire que là, il a utilisé quelque chose de dunya pour parler d'une récompense de l'akhirah, pour faire comprendre aux gens. Yani. Il dit ici, وَإِلَّا فَذَرَّتْ مِنَ الذَّرَّاتِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا وَأَمْثَالِهَا مَعَهَا. Et que la récompense dans l'akhirah, ou la moindre récompense, la plus petite récompense de l'akhirah, elle équivaut à bien plus que tout ce que contient cette dunya-là. Mais c'est un exemple, yani, pour comprendre. Il a parlé de chameau rouge pour faire comprendre la valeur de la récompense du prêcheur et de celui qui va, par sa prêche, qui va être la cause de la guidée d'Allah Jalla wa Ala pour cette personne-là. Wa fi at-targhib fi ad-da'wa ila Allah Ta'ala li tahsul lid-da'i hadhihi al-fadila bi hidayati rajulin wahid. ولهذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ولو لم يحلف ترغيبا في هذا العمل وحدا عليه ولو لم يهتدي بالدعوة إلا رجل واحد سبحان الله فكيف بهداية الفئام كما وقع للمصنف رحمة الله عليه وغيره من أئمة الدين وفيه جواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. Et on a là-dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le fait, on a vraiment l'encouragement à la da'wa. Quand on voit quelle récompense ça peut amener, par quelle récompense peut être récompensé le prêcheur, ça pousse, ça encourage, yani, à faire la da'wa. Et ça, c'est simplement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la guidée d'un seul homme, la récompense d'avoir été le sebeb de la guidée d'un seul homme, c'est mieux que ces fameux chameaux rouges. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juré, yani pour vraiment pour agrandir la chose est pour montrer vraiment le mérite du prêcheur. Et qu'en est-il donc des gens qui, par leur prêche, ont guidé beaucoup de gens, des centaines, des milliers de gens, comme ça a été le cas pour le Cheikh Mohammed, l'auteur du livre. On l'appelle Imam al-Da'wa, Mujaddid, la Da'wa qu'il a fait dans la péninsule. Et donc, ils disent qu'à la fin, à sa mort, le Shir, lorsqu'il est mort, toute la péninsule arabique était sur le Tawhid. Et alors, qu'en est-il des messagers et qu'en est-il des imams de la religion, donc les grands prêcheurs hein, de la communauté, comme ont été Ibn Taymiyyah, les grands prêcheurs, donc qui ont, par leur sebeb, Allah Jalla wa Ala qui a guidé des milliers de gens, subhanallah. Non. Il a aussi l'autorisation de jurer concernant une information ou concernant une fatwa qu'on fait, même si on ne nous a pas demandé de jurer. Ça, en général, c'est utilisé, sans exagérer, c'est utilisé pour vraiment agrandir le serment. Pour vraiment que l'autre, le prophète sallam, comme il dit, c'est Sadiq al-Masdouq. On sait qu'il ment pas et pourtant il a juré pour agrandir vraiment et pour montrer le mérite du prêcheur et de la récompense du prêcheur. À la fin, il dit juste que yadoukoun bima'ana yakhoudoun, c'est-à-dire qu'ils sont entrés en discussion et en débat concernant encore une fois celui à qui allait être donné l'étendard et celui qui allait donc jouir de ce mérite-là. Là, le chapitre il se termine là. Inch'Allah, la prochaine fois, on va rentrer dans le vif du sujet puisque c'est le chapitre de l'explication de La ilaha illallah. Et comme il le dira à la fin de ce chapitre-là, tous les chapitres qui suivent ce chapitre-là sont une explication de La ilaha illallah. Soit en expliquant quelque chose que contient La ilaha illallah, soit en expliquant une condition, soit en expliquant un annulant, soit en expliquant quelque chose qui va tronquer cette shahada-là parmi les sortes de shirk asghar. Etc. Donc on verra ça inshallah la prochaine fois. On arrête là. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.